tourne en rond comme les aiguilles d'une montre. On va montrer ce qu'on sait faire dans le rap. On m'a dit faut que tu montes la tête remplie de problèmes. Aujourd'hui le vase déborde, on s'est tous fait recaler. Donc normal qu'on casse les portes. Je me rappelle de l'époque où le rap, juste on l'écoutait. Le mandat DLK là, c'est le convoi qu'on a dérouté. Mec, sois pas dégoûté, cher, ça peut te coûter. Ici t'es pas coté, comme ton rap tu es mis de côté. Le temps s'écoule. À l'avenir j'essaierai de pas le gâcher. Si un micro traîne dans la salle, crois-moi j'irai pas me cacher. Le quartier c'est pas Facebook, mais on a le sens du partage. Et me parle pas de succès car je connais toujours pas le trajet. On opère dans l'ombre et on a soif de réussite. Tu dis que le rap est mort mais en deux rimes on le ressuscite. Prends-en de la graine, de toute façon tu t'es déjà planté. Planté, cliqué, trace avec un grand D. Le temps c'est comme un TGV, ça passe très vite. De l'encre sur les mains normales car on embrasse des lits. Tu loues à chaque sommort, dis pas que tu n'aimes pas le délire. On a ce qu'il faut en stock, alors appelle si t'es en panne de rime. Le temps c'est comme un TGV, ça passe très vite. De l'encre sur les mains normales car on embrasse des litres. Tu loues à chaque sommort, dis pas que tu n'aimes pas le délire. On a ce qu'il faut en stock, alors appelle si t'es en panne de rime. Le temps c'est cool. Donc l'ami je viens épauler, tu trouves ça cool dès que ma mine vient à causer. J'éclaircis ce qui est trouble, point sur la table. Des choses qui peuvent faire trembler, qui fait l'effet d'une patate. Le temps s'écoule, des vies partent et on peut rien y changer. La mort des poules en une seconde au bout d'un gun chargé. Le monde part en couille, allez arrête de jouer ta caille. Ton kiff c'est les embrouilles, mais à chaque fois tu n'es pas de taille. Y'a peu de temps mais je ferai tout pour faire ce qu'il y a à faire. J'arrive le mic en main et crois-moi que ça va être la guerre. Le temps s'écoule mais perso je suis pas prêt de l'écale. Sur l'approche des barques, sors du gros, je fais plus de détails. FK c'est Rifa, les sons que t'écoutes dans ton poste. On représente les vrais qui savent se taire au poste. Mais avec le temps, t'envoies des vertes et des pas mûres. Donc si personne t'aime, contente-toi d'aimer la hure. Le temps c'est comme un TGV, ça passe très vite. De l'encre sur les mains normales car on embrasse des litres. Tu loues à chaque sommort, dis pas que tu n'aimes pas le délire. On a ce qu'il faut en stock, alors appelle si t'es en panne de rire. Le temps c'est comme un TGV, ça passe très vite. De l'encre sur les mains normales car on embrasse des litres. Tu loues à chaque sommort, dis pas que tu n'aimes pas le délire. On a ce qu'il faut en stock, alors appelle si t'es en panne de rire. Non mais on a pas le temps là. Wesh, mais il est quelle heure ma couille là? Je sais pas, et le problème c'est que ça change tout le temps. J'aimerais figer le temps, parfois juste un instant. Mais sache que le temps n'attend pas et que si tu te laisses aller, le cadran sera toujours là pour te recadrer. J'en vois essayer de défier le temps à coup de botox. Autant taper un 200 mètres contre Usain Bolt. Moi j'ai plus de temps à perdre et fais ce que j'ai à faire. Et sans attendre car c'est pas le même sommet que les autres que je compte atteindre. Ça prend plus de temps de rien et ça court dans tous les sens. La pendule devient oppressante de par son omniprésence. Ne confonds pas vitesse et précipitation, tu vas finir dans le précipice à force de te précipiter. Je regarde droit devant moi et pas dans le rétro. Ce qui est fait est fait et il ne faut rien regretter. J'aimerais laisser une petite trace de moi à travers ce proto. Et au passage dédicace et les vrais parties trop tôt. Le temps c'est comme un TGV, ça passe très vite. De l'encre sur les mains normales car on embrasse des litres. Tu loues à chaque sommort, dis pas que tu n'aimes pas le délire. On a ce qu'il faut en stock, alors appelle si t'es en panne de rime. Le temps c'est comme un TGV, ça passe très vite. De l'encre sur les mains normales car on embrasse des litres. Tu loueras chaque sommort, dis pas que tu n'aimes pas le délire. On a ce qu'il faut en stock, alors appelle si t'es en panne de rime.